ciel, il est 17h. C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi ? La vie comme elle va ? Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Le plaisir de se retrouver le mercredi à 17h sur Radio Arc-en-Ciel, mais il n'y a rien de meilleur. Et donc aujourd'hui, petit comité, puisque nous sommes le triumvirat. Tout à fait. Composé de Eliane. Bonjour Irène, bonjour à tous, bonjour Eliane. Jean-Pierre. Bonjour les copines. De Jean-Pierre, l'unique qui nous reste aujourd'hui. L'autre, il est parti prendre les eaux, parce qu'à Perpignan, il est du côté de Perpignan, il pleut beaucoup. Ça change de la Bretagne. Une pensée émue pour Jean-Pierre, les pieds dans l'eau. Mais nous avons donc notre Jean-Pierre qui nous a concocté cette fois encore une programmation musicale aux petits oignons. Et donc moi-même, toujours ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, une émission un peu spéciale. C'est les vacances. C'est vrai qu'on essaie de lire des choses un peu plus pour le loisir que pour vraiment s'attaquer à la grande littérature. Et donc, nous allons faire une émission spéciale polar avec trois polars que vous aurez plaisir à découvrir, je l'espère. Tout d'abord, Millennium 6, la dernière partie de la célèbre saga, donc la fille qui devait mourir. Nous allons découvrir si tel sera bien le cas. Ensuite, Eliane nous présentera une étrange maison. Oui, c'est un thriller. Oh là là là là. Et puis, dans la rubrique souvenir, pour le plaisir, nous retrouverons un dialogue de Roland Dubillard avec Eliane et James. Et pour terminer, je vous présenterai un autre thriller. Polar, allez, glaçant. Elle, le gibier. Mais avant de s'attaquer à tous ces polars qui viennent de sortir pour la plupart, Eliane, est-ce que tu connais bien l'histoire du polar en France ? Est-ce que tu as une idée de quand l'aventure a pu commencer ? Mais moi, j'ai l'impression que ça a surtout commencé sur des petites feuilles de journal, avec des petits épisodes qui se suivaient, j'ai l'impression. Oui, ça a été le début. Alors, au 19e siècle, le public s'est passionné pour un personnage haut en couleur. Alors, je te donne un indice. Ancien bagnard, qui est devenu ensuite chef de la sûreté française. Ah. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Vidocq. Absolument. Vidocq. Ah ouais. Qui avait publié ses souvenirs. Oui, tout à fait. Et là, il y a eu un film avec Vincent Cassel. L'empereur de Paris ou le roi de Paris, je ne sais plus. Il y a eu aussi des séries télévisées. Oui, tout à fait. Vidocq. Le tout premier, moi j'ai une affection particulière pour le tout premier Vidocq, que malheureusement on a oublié parce que la série n'a pas duré longtemps, étant donné que le comédien est mort. C'était Bernard Noël. Ah. Et j'adorais ce comédien. qui malheureusement est mort trop tôt. Et donc le rôle a ensuite été repris par Claude Brasseur. Tout à fait. Et c'est celui qu'on connaît le plus parce que la série a été longue. Alors parmi ceux qui faisaient donc des feuilletons, oui. Il y a eu des auteurs célèbres qui ont écrit sur des crimes. Oui, alors ça, j'ai la mémoire qui flanche, là. Eh bien, écoute, Balzac, par exemple, s'y est essayé avec une ténébreuse affaire. Ah, oui. Ensuite, si je te dis les mystères de Paris. Ah ben oui, Eugène Sue. Absolument. Et donc, lui a publié, nous sommes au 19e siècle, toujours. Et puis, celui qui a créé le personnage de Rocambole. Oui, Rocambole, je vois bien, mais qui l'a écrit. Il avait un noir à longe. Oui. Ah, Pierre-Alexis Ponceau du Terrail. Ah, bah, dis donc. Oui, oui, oui. Je ne m'en serais pas souvenu, tu vois. Oui, il y a une rue qui porte son nom dans le quartier des Blossières. Et donc, Rocambole, pareil, on a eu une série télé qui reprenait ses aventures. Est-ce que l'adjectif est né de ça ou c'est avant? Non, je pense que c'est né de ce rocambolesque. C'est joli comme rocambolesque. Ouais, j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et puis, est-ce qu'on peut considérer que quand Dumas a écrit Monte Cristo, c'est un peu de la même veine? Moi je trouve que c'est tout à fait dans la veine du polar. Ah oui. Avec ce qui lui arrive, puis il y a des enquêtes policières quand même là-dedans. Hein. Si, c'est un polar. Et puis un grand nom de la littérature française, est-ce que tu vas le trouver, qui a écrit l'histoire d'un voyou qui est devenu Jean Valjean. Ouais. Serait-ce VH? Eh oui, Victor Hugo. Mais bon, les puristes disent que le polar, il est né avec une œuvre en particulier qui date aussi du 19e siècle, le double assassinat dans la rue Morgue. Ah oui, Edgar Poe. Edgar Allan Poe. Mm-hmm. Voilà. Et ensuite, alors, si je te dis l'affaire Le Rouge. Oui, oui. Émile Gaborio. Elle connaît tout, Eliane. Hein. C'est pas pour rien qu'elle est notre spécialiste du polar. Hein. Donc, qui avait écrit cette affaire Le Rouge. Fin 19e, enfin deuxième partie du 19e siècle. Et puis qui a créé le personnage d'Arsène Lupin? Alors ça, Arsène Lupin, Maurice Leblanc. Oui, Maurice Leblanc. Bravo, bravo. Et là, on est sur le début du 20e siècle. Donc pareil, un personnage, gentleman. Là, il y a eu des feuilletons là-dessus, des séries. Oui, il y a eu ce qu'il fallait. Et alors, Gaston Leroux, qu'est-ce qu'il a créé comme personnage de reporter détective? Ah oui, comment il s'appelait, lui? C'est lui qui a fait le parfum de la dame en noir, le crime, tu sais, dans une chambre où la porte était fermée, de la chambre jaune. Oui, et c'est oui, comment il s'appelle, ce détective? Rouletabille. Oui, on a tous aimé. Enfin, le mystère de la chambre jaune, moi, je me souviens, découverte quand on a lu ça. Enfin, moi, je l'ai lu ado. On était impressionnés. Le parfum de la dame en noir, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Alors après, on s'est passionné pour ça aussi. C'est un auteur qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, c'est Stanislas André Steedman, qui nous a fait des polars qui sont devenus célèbres parce qu'il y a eu des films au cinéma, donc L'Assassin habite au 21, et puis l'autre. Ah oui, Quai des Orfèvres. Le Quai des Orfèvres, oui. Mais toi, le nom, je ne me souvenais pas. Ouais. Mais Stanislas André Steedman. Oui. Et puis, on va terminer par les deux auteurs les plus prolixes belges. Le premier est belge. Ah oui, celui qui a fait Maigret. Voilà. Maigret, oui. Mais c'est pas Maigret qui a écrit, c'est Simenon. C'est Simenon qui a écrit et qui a créé le personnage de Maigret. Et puis, encore, alors, on voit comment les séries télé ou les films arrivent à ancrer les personnages dans notre culture, donc avec Simenon, c'est Maigret. Et puis, plus tard, il y a eu l'anti-Maigret, qui était Nestor Burma, lui aussi, qui a fait l'objet D'une série. Comment il s'appelle Oui, je vois très bien qui tu veux dire. Qui chante. Ah ouais, qui a une voix superbe. un brin. Oh, je vois sa tête. Ça m'énerve, ça, quand je ne retrouve pas le nom. Ah oui, ça, c'est régulièrement. Nestor Burma, c'est. Bon, ça va nous revenir. C'est pas Marchand. Oui, si Guy Marchand. Voilà. Heureusement qu'il est là, Jean-Pierre. Bravo. Eh bien, tu vois, c'est quand même des lettres de noblesse, polar français. Mm-hmm. Maintenant, c'est vrai qu'on ne jure que par le polar scandinave. C'est vrai, il y a des très bonnes choses. Parce qu'il a une autre manière d'être écrit, je pense. Mm-hmm. Mais c'est bien. Il y a aussi des polars français. Mais là, ce qui est un petit peu dénaturé, c'est qu'il y a eu trop de séries télé. Du coup, on n'a plus l'effort à faire, l'effort entre guillemets, de prendre le livre, parce que on voit le personnage, on n'a même plus besoin de l'imaginer. Mais tu sais qu'il y a aussi des façons d'aborder des choses archi connues différentes. Quand on voit Agatha Christie, pas en France, c'est en Angleterre, mais les polars d'Agatha Christie, mais c'est une mine. Ah oui. Et il y a eu des séries télé, il y a eu des films. Bon, il y a une série télé que j'adore, c'est Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Cette façon de prendre les histoires d'Agatha Christie et puis de les adapter à la France des années 60, 50-60, mais c'est génial. Oui, tout à fait. Et franchement, on se régale, même en connaissant l'histoire. Les histoires, on arrive à les redécouvrir sous un autre jour. Donc, vive le polar. Et d'ailleurs, le polar, c'est un livre sur quatre qui est vendu. C'est un polar et c'est pas pour rien. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Bouge tes fesses, pas le temps de rêver trop longtemps, faut agir. À force de perdre du temps, c'est le temps qui gagne, tu vas rien réussir. Demain est loin d'être une promesse, t'es comme un poisson dans l'eau qui sait pas qu'il est pris dans un filet de pêche. À force qu'on te pousse à pas rater le bateau, t'as pris le mauvais. On te pousse dans la mauvaise direction, mais t'as rien fait. T'es tombé dans le moule, en plein temps. Pas capable d'avoir du plaisir et de bosser en même temps. Tu veux trop plaire, t'as voulu d'une vie typique. Un boss de merde, du solide sur du plastique. Beaucoup, beaucoup trop d'efforts pour un salaire modique. Hey, faut du courage quand même pour ignorer les mauvais commentaires de ceux que t'aimes. Chaque jour de semaine, t'étouffe avec ta cravate jusqu'à 4h30 PM. Tout passe trop vite, j'en perds le fil. Il ne faut pas qu'on se perde, non, non. Sur cette autoroute, il n'y a aucune limite. Pas de panique, pas besoin de fuir, mais il ne faut pas qu'on se perde, non, non. Sur cette autoroute, il n'y a aucune limite. Attendez une minute. Vous soupçonnez qui? Aucun d'entre eux. Tous. L'énigme restera entière. Côté polar. Je vous propose de commencer notre vadrouille dans les polars avec Millennium, le sixième tome, La fille qui devait mourir. Alors Millennium, c'est à l'origine une trilogie qui avait été écrite par un Suédois, Stig Larsson. Et donc les trois premiers tomes de la saga ont été publiés en Suède entre 2005 et 2007, et ça a été tout de suite un succès extraordinaire. Et le succès est devenu même international et assez rapidement des millions d'exemplaires. C'est en millions d'exemplaires que se comptent donc les ventes de cette trilogie. Alors, manque de chance, Stig Larsson est décédé. Eh oui, avant de voir le succès du reste. Eh oui, parce que en fait, ces livres, il les avait écrits en amont. Et ils ont été publiés après sa mort. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a eu le bonheur d'avoir les trois histoires, enfin les trois tomes qui sont arrivés assez rapidement. Il est décédé à l'âge de 50 ans, donc on peut dire de façon totalement prématurée. Mmh. Et il n'a jamais su le succès, j'allais dire, interplanétaire. Non, ouais. Soyons modestes. Oh, quand même, beaucoup, beaucoup de ventes. Hein. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai les chiffres de 2010. Ah. On en était déjà à 45 millions d'exemplaires vendus. Oh là là. Alors évidemment, quand on a la chance de tenir un tel filon, eh bien, on regrette que ça se soit arrêté si vite, d'autant que les deux protagonistes sont devenus vraiment très célèbres. À l'origine, donc, le premier de la série Millennium, c'est le nom d'un journal. Et c'était le journaliste qui s'occupe de ce journal qui était le héros principal de la saga, Mikael Blomkvist, donc qui était un journaliste d'investigation qui s'intéressait au dessous de la politique, qui s'inquiétait des méfaits que pouvait créer le racisme, le fascisme, etc. Et donc, lors de sa première enquête, il est aidé par une jeune asociale. Une surdouée, Lisbeth Salander, une surdouée de l'informatique. Et très très vite, le public, les lecteurs ont plutôt plébiscité Lisbeth Salander. C'est elle qui a cristallisé les envies. Elle avait tout ce qui lui arrive dans le lecteur. Ah bah la pauvre. Alors elle, c'est vraiment la fille petit gabarit. Hein, elle fait 50 kilos tout mouillé. 42 et 1m50, vraiment. Mais elle a une force extraordinaire et surtout une intelligence incroyable. Et elle réussit à aider Mikael Blomkvist dans ses enquêtes. Et très vite, on va avoir l'histoire qui va focaliser sur elle, sur ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est comme ça. Enfin, elle a connu des choses incroyables, cette fille. Et donc, très vite, dès le deuxième et le troisième tome, on parle plus d'elle que du journaliste. Oui, c'est elle qui devient l'héroïne. Ouais, c'est vraiment elle qui a marqué les esprits. Donc, le filon était bon, et finalement, les héritiers de Stig Larsson ont accepté qu'un autre auteur prenne le relais et continue la saga. Et l'auteur en question, c'est David Lagercrantz, qui, à son tour, a écrit une trilogie. Moi, je pense que cette trilogie, la deuxième, elle est moins bonne que la première. Mm-hmm. Bon, est-ce qu'il y a un phénomène d'habitude? Mais malgré tout, on y prend plaisir parce qu'on retrouve ces deux héros. Et donc, vient de paraître le sixième et dernier tome de la saga. Apparemment, David Lagercrantz, il en a un peu assez de ces héros qui ne sont pas de sa création. Alors, ce Millennium 6, La fille qui devait mourir, l'essentiel de l'œuvre porte sur une histoire qui n'a, j'allais dire, rien à voir avec nos deux héros, mais quand même. Mm-hmm. Alors, pour vous donner un peu une idée du thème, je vous lis le prologue. Cet été-là, un nouveau mendiant était apparu dans le quartier. Personne ne connaissait son nom, et puis tout le monde s'en fichait pas mal. Cela dit, un jeune couple qui passait devant lui tous les matins l'appelait le nain fou, ce qui était assez juste, en tout cas pour moitié, car il n'était pas de petite taille au sens médical du terme. Il mesurait 1m54 et avait une corpulence proportionnée. En revanche, il souffrait de réels troubles mentaux. De temps en temps, il bondissait sur les gens, les attrapait et leur tenait des discours incohérents. Il passait le plus clair de son temps à Maria Torguette, sur un morceau de carton près de la statue de Thor. Ainsi, assis au pied de la fontaine, tête haute, dos droit, il arrivait qu'il provoque l'admiration, évoquant un chef de tribu tombé dans la déchéance. En matière de capital social, cette vague association était d'ailleurs tout ce qui lui restait et justifiait qu'on lui jette encore parfois une pièce ou un billet. Les gens devinaient en lui une grandeur passée, et ils n'avaient pas tort, car il fut un temps où l'on s'inclinait devant lui. Mais il avait tout perdu depuis longtemps, et la tache noire sur sa joue n'améliorait pas les choses. On lui dit marqué par la mort, ni plus ni moins. Détail insolite, il portait un anorak bleu en duvet, un objet en principe coûteux. Le vêtement avait beau être couvert de crasse et de restes de nourriture, son allure, décidément arctique, dénotait dans l'été stockholmois. Une chaleur étouffante régnait sur la ville. En constatant les coulées de sueur sur les joues de l'homme, les passants regardaient son anorak, embarrassés, comme si la simple vue de cette grosse doudoune leur rendait la température ambiante encore plus insupportable. Ils ne l'enlevaient jamais. Paumé, caractérisé, vivant dans sa bulle, il ne constituait a priori de menace pour personne. Cependant, au début du mois d'août, son regard fut soudain habité par une forme de détermination. L'après-midi du 11, il consigna une histoire vertigineuse sur du papier ligné à 4. Le soir même, il la collait sur les parois de l'abribus de Sodra Station. Un journal mural. Il s'agissait du récit halluciné d'une épouvantable tempête. La jeune Else Sandberg, interne en médecine, parvint néanmoins à déchiffrer certaines parties du début en attendant le bus numéro 4 et remarqua qu'on y mentionnait un membre du gouvernement. Cela dit, elle se consacra essentiellement à établir le diagnostic de l'auteur qui souffrait sans doute de schizophrénie paranoïaque. En montant dans le bus 10 minutes plus tard, elle avait oublié tout ou presque de sa lecture. Il ne lui en resta qu'un vague sentiment de malaise. Le récit faisait penser à la malédiction de Cassandre. Il était impossible de croire l'auteur, car les vérités qu'il énonçait étaient noyées dans le discours pathologique d'un fou. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le message avait dû passer, car le matin suivant, un jeune homme en chemise blanche descendit d'une Audi bleue et arracha le journal de la paroi. Le lendemain matin, une fine pluie se mit à tomber et le vent du nord se leva. Vers 8 heures, alors que le temps s'était calmé et le ciel éclairci, l'homme était à genoux, penché contre un bouleau. En contrebas, dans la rue, on préparait la course de minuit. L'ambiance était à la fête, alors qu'au-dessus, dans le parc, le mendiant trépassait. De son vivant, il avait accompli des actes héroïques, d'innombrables prouesses et vécu d'invraisemblables péripéties, mais dans la liesse populaire, personne ne s'en souciait. encore moins qu'il n'eût aimé qu'une femme et qu'elle aussi eût trouvé la mort dans une accablante solitude. Voilà. La scène est posée, le thème est donné et en effet, tout va tourner autour de ce personnage. Alors on peut penser que ça n'a pas trop d'importance ce personnage, c'est un SDF. Oui, mais la Toubib qui va faire l'autopsie, elle va être intriguée. D'abord, elle pense que c'est pas parce qu'on est SDF qu'on ne doit pas être bien traité. Elle est impressionnée par la personnalité de cet homme et elle va fouiller et elle va découvrir qu'il n'est pas mort de mort naturelle. Et elle va aussi trouver dans la poche de son vêtement le numéro de téléphone de Michael Blomqvist. Et là, le héros revient et il a donc à résoudre cette énigme. Qui est cet homme ? Et il va faire appel à Lisbeth Salander, qui est un génie, pour qu'elle essaie de retrouver, à partir de l'ADN de ce personnage, qui il était. Et notre Lisbeth, elle va découvrir. Elle va découvrir qui était ce personnage et elle va découvrir qu'il a vraiment eu des relations avec le ministre de la Défense. Et elle va ressortir toute une histoire et ça va être une saga pas possible. Donc, je vous recommande la lecture de Millennium 6, La fille qui devait mourir. Je vous garantis que vous n'allez pas vous ennuyer en compagnie de ce personnage haut en couleur, le SDF, qui en effet a accompli des choses incroyables et en compagnie bien sûr de nos deux héros, Michael Blomqvist et Elisabeth Salander. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with the silver sunlight. As the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où. Ça me rendrait hé, hé, hé. Ben moi je sais où nous allons aller. Nous allons vers une maison qualifiée de la plus terrifiante depuis Shining et Psychose. Eh oui. Et ce thriller, parce que c'est vraiment un thriller qui est angoissant. Il va falloir qu'on trouve une traduction en français. Terrifiant, c'est terrifiant. Ce livre est terrifiant, vraiment. Alors dans ce livre, il y a Sarah, qui depuis la mort de sa mère est en pleine dépression. Patrick, son mari, qui l'aime beaucoup, ils s'aiment bien, beaucoup tous les deux. Il a une idée fixe par contre, Patrick. Il veut racheter la maison de son enfance. Et il y a les enfants, Mia et Joy. Sarah, elle dessine bien, elle peint très bien. Elle est vraiment douée pour cela. Et son fils aussi, il a beaucoup de crayons. Il aimerait faire les beaux-arts. Et il y a Caroline, l'amie qui vient souvent la voir, qui la secoue un peu, parce qu'elle trouve des fois, elle se pose trop de questions. Surtout, Caroline voudrait vraiment que Sarah parte un petit peu, change de... Et surtout, elle voudrait que Sarah finisse par dire la vérité à Joey. Sarah n'est pas sa mère biologique. Et Joey a fait un très beau portrait de sa sœur. Alors, Caroline lui dit, c'est Joey qui a fait ça ? En désignant le petit cadre accroché au mur. À 17 ans, Joey a un bien beau talent. Il est même plus doué que moi, dit Sarah. Et il a brossé Mia en quelques coups de crayon, à la fois précis dans ses traits et délicat dans ses courbes. Il faut prendre du recul et regarder le dessin du coin de l'œil pour la voir apparaître. C'est comme s'il avait fait sciemment, comme s'il avait dissimulé sa petite sœur chérie dans le papier, dans un jeu de cache-cache. Il aurait pu en faire un autoportrait. C'est marrant, non, dit Caroline en tapotant ses ongles vernis sur le cadre, que Joey héritait de ta fibre artistique. Marrant ? Oui, tu sais très bien ce que je veux dire. Je m'approche à mon tour du dessin et caresse de mes doigts le visage de Mia. Rien à voir avec l'hérédité. Mia est ma fille naturelle et on ne se ressemble pas du tout. Nature contre culture ? Joe a apprivoisé les pinceaux tout seul. Ce n'est pas moi qui l'y ai poussé. Moi, je l'encourage, bien sûr. Puisque j'encourage son talent, il n'a pas besoin d'être mon fils pour cela. Je fais un pas de côté et Mia semble me suivre du regard. Je me demande comment il me dessinerait, moi et Patrick. Pourquoi tu ne lui as pas encore dit ? Elle hésite. Qu'il n'était pas ton fils. Le mari de Caroline est travailleur social et depuis quelques années, elle ne cesse de me conseiller sur la manière d'annoncer à Joey. Mais je fais la sourde oreille. Pourquoi ne pas lui en parler, Sarah ? Il le prendrait bien, tu es la seule maman qu'il a connue. Et Patrick reste son père, il comprendrait. Ah, Caroline soupire, c'est fou qu'il ne s'en soit pas aperçu. Donc on commence bien à voir que dans ce couple, il y a déjà une petite faille quelque part. Et puis, ce jour-là, Patrick a reçu une lettre. Et comme c'était leur anniversaire de rencontre, Sarah avait mis la lettre un peu de côté. Et quand elle l'a donné à Patrick, elle a bien vu que c'était important pour lui. Il veut acheter la maison de son enfance et dans cette lettre, on lui dit que ça va être possible, la maison est en vente. Mais dans cette maison, il y a eu un crime épouvantable. Une famille entière a été tuée et l'homme qui a fait ça est en prison. Sarah, elle ne veut pas donner l'argent qu'elle a hérité de sa mère pour l'achat de cette maison. Elle veut plutôt faire un grand voyage avec toute sa famille. Un jour, elle prend des somnifères, elle ne peut pas dormir, elle fait des rêves. Patrick et les enfants pensent qu'elle a voulu se suicider. Alors qu'elle n'a pas fait exprès de prendre trop de comprimés. Elle le dit à tout le monde, mais personne ne veut la croire. Enfin, elle cède et dit à son mari d'acheter la maison du crime, comme tout le monde l'appelle. Bien sûr, elle est au bord de l'océan, c'est très bien et tout, mais bon... Il y a aussi ces pages qui sont écrites d'une autre écriture, écriture penchée, qui interpelle un peu quand même. On ne sait pas trop de qui on parle, mais tiens, le suspense s'installe. Sarah n'aime pas la maison. Elle se sent menacée. Elle dit qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde derrière la fenêtre. Elle n'arrive pas à s'installer, elle n'arrive pas à défaire ses cartons. Elle va faire la connaissance d'Anna, une voisine qui semble agréable. Elle va aussi connaître le propriétaire d'une galerie d'art qui trouve qu'elle a un beau coup de pinceau. Et aussi, elle va faire la connaissance du fils rescapé du massacre, lui qui a mis la maison en vente. Alors, Patrick a habité là avant que la famille Evans ne s'y installe. Pourquoi ne lui dit-il pas à Sarah qu'il connaissait les Evans, qu'il connaissait même celui qui avait tué? Alors Sarah s'enfonce peu à peu dans des questions qui l'empêchent de vivre dans cette maison. Les enfants ne vont pas bien non plus. Et puis, il y a la découverte qu'elle fait dans la cave. Lisez ce roman, bien construit, qui fait monter l'adrénaline au fur et à mesure des pages, jusqu'au coup de tonnerre final. Bonne lecture. Tu es cruelle de nous mettre l'eau à la bouche ainsi et de nous laisser devant la porte de la cave. Ah oui, mais c'est très très bien fait. Donc, lisez, puisque c'est les vacances, vous avez le temps, La maison de Vanessa Savage. Et donc, c'est un livre que l'on trouve à l'excellente bibliothèque Les Jacobins. C'est là de que Fleury, je l'ai sorti. Les Aubrais. Voilà. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le lire. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. L'autre partie comme venue par l'impasse pour les grandes avenues. L'argueil en a marre au port, sans attache, seul au quai, sans bouée. Un autre verre à la terre, une bouteille à la mer. Le vague à l'âme, mais pas le pied marin, trop soudain. Sur ton île au trésor, que des couchers de soleil d'or. Qui a eu raison, qui a tort, qu'importe la saison. Seul à bord, à tribord, le temps des filets doux et des mailles à bâtir est fini. Abyssinie, Abyssinie, Abyssinie est parti. Abyssinie, Abyssinie, est-elle? Que fait-elle? Mais pas le pied marin, c'est le vilain des vilains. Comme elle va. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Il n'est pas nécessaire d'aimer Bach ou Beethoven pour apprécier le dialogue à venir, mais ça aide. Une chose qu'il faut jamais oublier, n'est-ce pas? Une chose qu'il faut avoir tout le temps présente à l'esprit. Sans ça, on ne comprend pas. C'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh bien, il était sourd. Beethoven? Beethoven, sourd. Et sourd des deux oreilles. Ouais. Ouais. Ouais, mais enfin, quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, hein. Beethoven? Beethoven? Ah non, je n'ai pas dit ça. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven, avec ses doigts. C'est pas parce qu'il était sourd qu'il pouvait pas écrire. Non. Alors, il faut pas dire ça. Quoi, ça? Eh ben, ce que vous dites. Quoi? Il n'était pas sourd, Beethoven? Si! Alors? Mais c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire! Justement, c'est ça qui est extraordinaire! Oh, extraordinaire! Mais mon pauvre ami, moi qui vous parle, quand il faut que j'écrive, vous savez ce que je fais? Non. Ben, je bouche les oreilles pour ne pas entendre les autos, le raffut qu'ils font dans la rue. Avec de la cire, je me les bouche! Les oreilles? Les oreilles? Eh bien, ça prouve que vous n'êtes pas Beethoven, voilà tout! Moi? Ouais, mais oui, vous, parfaitement. Ne faites pas la bête. Beethoven, moi? Vous, oui. Non, pas Beethoven, bien sûr, vous. Mais je ne vous ai jamais dit que j'étais Beethoven. Je sais bien que vous n'êtes pas Beethoven. Seulement quoi? Seulement, vous faites comme lui. Pour écrire? Pour écrire, oui, vous l'imitez. Je me bouche les oreilles? Oui. Oh bah, naturellement, c'est moi qui viens de vous le dire. De là à conclure que je me prends pour Beethoven, dites... Il n'y a qu'un pas. Oui, mais il y a un pas. Et un pas de géant. Parce que vous avez beau vous boucher les oreilles pour écrire, eh bien, ce que vous écrivez... hein, c'est pas de la musique. C'est pas de la musique. Non. Non. C'est plutôt une lettre à ma petite sœur, par exemple. Oui. Remarquez! C'est joli quand même. Hey. Mais c'est pas de la musique. Non. Je ne vous fais pas dire. Non, vous ne me faites rien dire du tout. Je dis ce que je veux. Que vous dites? Et ce qui prouve que j'ai raison, c'est que Bach... Bach? Jean-Sébastien. Bach, oui. Eh bien. Eh ben, il était pas sourd. Non, mais Bach, ce n'est pas pareil. C'est un classique. Non, c'est pas pareil. Ah ben non, c'est un classique. Oui, c'est un classique, Bach. Bach. Bach, tandis que Beethoven... C'est le contraire. Voilà, c'est le contraire. Beethoven, Bach. Non, pas exactement. Non. Bach. Le contraire. De Beethoven. Ben, non. Non. Ah, c'est de la musique quand même. On a beau dire ceci, on a beau dire cela, et ben tous les deux, C'est de la musique. D'ailleurs, Beethoven lui-même, quand il était plus jeune, quand il avait dans les... Quand il avait l'âge de Bach? Eh bien, Beethoven lui-même, il n'était pas sourd. Du tout? Du tout. À cette époque-là, Beethoven, il aura entendu voler une mouche. Ah, plus que ça. Deux, trois, quatre mouches, il aura entendu voler. Surtout qu'il y en avait des mouches à cette époque-là. Oui. Oui. Enfin, tout ça, c'est de l'histoire. C'est de la musicologie. On ne va pas discuter. Non. Du moment que nous, on n'est pas sourds, eh ben... Eh bien... Eh ben... Eh ben... Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Je suis jalouse à en faire trembler les gens, à en faire trembler mes jambes. J'ai plus qu'à plonger en silence, je pourrais flotter inerte, tu t'en balances. Et ça me ronge, ça me pourrit, ça me rend dingue, ça me fout en l'air. Quand je sais que tu t'en vas en l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Et même si je le savais pas, j'imagine que c'est encore pire. Tu pourrais tomber amoureux, recommencer une vie à deux. Plus tu la désires, plus j'expire. Et ça me ronge, ça me pourrit, ça me rend dingue, ça me fout en l'air. Quand je sais que tu t'envoies en l'air. J'en ai un peu tous les soirs, pourvu que le temps les écrase. Est-ce que tu penses encore à moi, comme je pense encore à toi? Est-ce que tu souffres tant que moi? Si c'est moi, je te pardonnerai pas. Le troisième polar que nous allons vous présenter aujourd'hui est un polar glaçant. Il s'agit de Elle, le gibier, un polar d'Elisa Vix. C'est l'histoire, en fait, d'une jeune femme qui a tout pour réussir. Franchement, elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente. Elle a passé des tas de diplômes. Elle a donc, elle a écrit une thèse. Elle a fait un post-doc. Enfin, tout va bien, à ce qu'il semblerait. Seulement, le problème, c'est que après avoir passé un post-doc pendant 3 ans dans un labo, elle est gentiment remerciée. On lui explique que ben, il n'y a pas suffisamment de crédit pour pouvoir l'engager maintenant qu'elle est diplômée et qu'elle cherche du travail. Eh bien, c'est fichu. Elle se retrouve donc à Pôle emploi et là, oh là là, on l'accueille. Encore une de ces diplômées dont on ne va pas savoir que faire. Et donc, elle tourne en rond, elle cherche du boulot, elle n'en trouve pas. Et finalement, elle est contactée par une entreprise qui s'appelle Médecine, prononcée, et qui recherche des jeunes gens pour être donc dans le cadre de ce que l'on appelle des centres d'appel. Donner des informations, que ce soit aux médecins ou aux patients. Et donc, elle décide de se lancer dans l'entreprise, parce qu'il faut bien qu'elle trouve un boulot. Hein. Elle a besoin de payer son loyer, elle a besoin de se nourrir, et là, ça devient très difficile. Donc, elle accepte ce boulot, bien qu'il soit pas bien payé. Et puis quand elle arrive dans l'entreprise, elle se rend compte que ils sont nombreux à être dans son cas. Ils ont recruté beaucoup de gens surdiplômés et qui vont à longueur de journée répondre à des appels téléphoniques et qui surtout vont s'astreindre à une façon de, à des procédures qui leur sont imposées. Et donc, il s'est passé quelque chose d'effroyable et on essaie de comprendre qui était cette Cristal, elle s'appelle. Et le roman, qui est très court, hein, 140 pages, est en fait une succession d'interviews. Un mystérieux enquêteur interroge les gens de l'entourage de Cristal, Sandrine, sa collègue de travail, Erwan, qui était aussi collègue, mais lui qui n'a pas réussi à s'intégrer et qui a préféré partir. Il y a Jean-Christophe, le médecin de la boîte. Il y a Sylvie, la mère de Cristal. Il y a Karim, son ancien amoureux. Et Maria, une personne qui avait été harcelée au travail et que Cristal va aller voir. Et donc, à travers ces différents témoignages, on essaie de mieux cerner la personnalité de Cristal. Alors, je vais vous lire un extrait. C'est quand Cristal, Erwan et Sandrine arrivent dans cette boîte. Et c'est le témoignage donc de Sandrine. Comme je l'avais subodoré, Cristal était PhD, donc thésarde. Elle avait étudié les neurosciences et en particulier la maladie d'Alzheimer. Après sa thèse, elle avait bénéficié d'un post-doc, soit 3 ans dans un laboratoire de recherche publique. Puis les budgets avaient été réduits et Cristal remerciée et ses recherches laissées en plan, ce dont elle gardait une blessure mal cicatrisée. Comme moi, elle avait ensuite connu une longue période de chômage. Nos parcours présentaient de nombreuses similitudes. De plus, apprendrai-je plus tard, nous étions toutes deux célibataires par choix. Certes, en ce qui me concernait, le choix avait été facilité par l'absence de prétendants. Nous avions également toutes deux perdu nos pères à l'âge de 15 ans, mais de manière très différente. Erwan nous informa qu'il était tout juste titulaire d'un master en nutrition et diabétologie. Je calculais mentalement qu'il était plus jeune que je l'avais imaginé, le plus jeune de nous trois. Nous fûmes répartis dans 3 salles afin de signer nos contrats de travail. Ce dernier se révéla conforme à ce qui avait été annoncé lors des entretiens, excepté pour la rémunération. Le salaire annuel était inférieur de 1 000 euros à ce qui était prévu. Je réfléchis quelques minutes. Cela signifiait environ 60 euros de moins par mois. c'était encore jouable, à condition de faire très attention à mes dépenses. Je signais, pensant que j'avais dû mal entendre lors de mon dernier entretien. Je n'avais aucun document écrit pour vérifier. Crystal me révéla par la suite qu'elle avait été confrontée à la même mauvaise surprise. Elle s'en était ouverte à la DRH qui lui avait confirmé qu'il s'agissait bien du montant annoncé en entretien. Crystal était arrivée à la même conclusion que moi, elle avait mal entendu. Erwan, lui, ne doutait pas de son ouï et avait bataillé pendant une heure avec la DRH, mais avait fini par signer. Comme nous, il avait besoin d'un job, au moins d'une première expérience, à inscrire sur son CV. Donc après, il passe la journée à être présenté dans les différents services et donc on leur explique la façon dont les choses doivent se passer, qu'il est interdit de porter des jeans et des baskets, sauf le vendredi, que les horaires, c'est 9h-18h, mais qu'il y aura forcément des jours où ils partiront beaucoup plus tard. On leur dit également qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone portable, même pour envoyer un SMS, qu'il est interdit de consulter sa messagerie sur son poste de travail, que bah, ils peuvent être amenés à travailler aussi le week-end, en soirée, enfin, la routine, quoi. Et donc, le responsable du service qualité, un gamin pas plus vieux qu'Erwan, nous présenta également le système des réclamations. Il s'agissait de traiter les plaintes des clients de médecine via un processus codifié. Mais un collaborateur de l'entreprise pouvait aussi déposer une réclamation lorsqu'il constatait une erreur de la part de l'un de ses collègues. Cela mettait en branle toute une série de procédures comprenant de multiples formulaires et réunions pour identifier la cause du dysfonctionnement et y remédier. Alors Erwan demanda si on ne pouvait pas plutôt aller voir ce collègue, l'informer de son erreur afin qu'il la répare ou au moins ne la reproduise plus. Le responsable du service qualité rétorqua que ce n'était pas la procédure. Alors, en effet, on va découvrir au fil des témoignages que c'était très strict et que c'était vraiment très, très dur. Alors, ce qui est intéressant, c'est les remerciements. Je vous les lis parce que c'est assez succulent. Un remerciement à tous mes employeurs sans qui ce livre n'aurait pas été possible. On l'aura compris, ce roman est inspiré de ma désastreuse carrière professionnelle, mais que le lecteur se rassure, je n'ai jamais été tentée par les extrémités dont Crystal se rend coupable. Face à l'adversité managériale, je me contentais de jubiler intérieurement en pensant « le putain de bouquin que je vais écrire ». Pierre, avant que l'on se quitte, les musiques. Allez, rapidement. La filière québécoise, on a eu Dee Shorty, on a eu Maître Gims et Sting en duo. Ça m'est arrivé par le Québec. Et puis, Pierre-André Côté, une jolie chanson qui s'appelle Le Ressac. Et puis, côté français, disons, on a eu les Glossy Sisters en deuxième semaine. On ne s'en lasse pas. Le titre s'appelait Jalouse. Et puis, le petit jazz, eh bien, c'est Nguyen Li. En ce moment même. Voilà. Eliane, oui. Une sortie. Oui, ah oui, demain, vendredi et samedi, la pièce de théâtre du Bastringue, Les Deux Vierges, donc à la passerelle à 20h30. Il y a encore des places samedi. Voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. On va se quitter pour deux semaines. Mm-hmm. Pour prendre des vacances bien méritées. Et vous retrouverez à la mi-novembre. Oui, c'est ça, oui. Le 13 de mémoire, le 13 novembre, vous retrouverez Jean-Pierre, Eliane et. Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, oui, les deux. Les Jean-Pierre, voilà, oui. Avec le plaisir que l'on sait. Voilà, il nous reste à vous souhaiter de bonnes vacances, de bonnes lectures. Et puis de passer le relais à Violette pour traditionnel. Elle est là, Violette. Au revoir. Bye bye. Salut.